Hola, bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Una semana más, Alberto Marcos, al frente de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, como principal responsable del programa, os damos las buenas noches desde los estudios de Radio Universidad y os invitamos a pasar con nosotros la próxima hora, que esperamos os resulte agradable, entretenida, interesante y sugestiva. Hoy vamos a continuar con ese pequeño paseo por Francia que iniciamos la semana pasada. Si recordáis, la parte literaria de nuestra emisión de hace 7 días giró sobre La elegancia del erizo, la para mí más que estimable novela de Muriel Barberi, que tanto reconocimiento, no solo de público, de lectores, sino también de crítica, ha tenido en su país y en el nuestro, donde ha sido publicada, creo que lleva ya 30 ediciones, por Seix Barral. Esta noche continuaré leyendo fragmentos de la novela, salpimentados, como el lunes anterior, con canciones de la llamada Nouvelle Chanson francesa, en una muestra bastante representativa del renacimiento y la efervescencia que vive la escena musical de nuestro país vecino en los últimos años. Y como el programa se presenta apretado de música y literatura, os dejo ya con la emisión. Confío en que pueda gustaros. La señora Michelle tiene la elegancia del erizo. Por fuera está cubierta de púas, una verdadera fortaleza, pero intuyo que por dentro tiene el mismo refinamiento sencillo de los erizos, que son animalillos falsamente indolentes, tremendamente solitarios y terriblemente elegantes. Je reviens, je reviens encore. Tu n'as même pas vu que j'étais partie alors. Je suis revenue comme on rentrerait au port. Fatiguée de passer par-dessus bord. Je reviens, je reviens et j'ignore ce qui nous ramène, ce qui nous ramène au bord. No tengo hijos, no veo la televisión y no creo en Dios. Todas esas sendas que recorren los hombres para que la vida les sea más fácil. Los hijos ayudan a diferir la dolorosa tarea de hacerse frente a uno mismo y los nietos toman después el relevo. La televisión distrae de la extenuante necesidad de construir proyectos a partir de la nada de nuestras existencias frívolas. Al embaucar a los ojos, libera al espíritu de la gran obra del sentido. Dios, por último, aplaca nuestros temores de mamíferos y la perspectiva intolerable de que nuestros placeres un buen día se terminan. Por ello, sin porvenir ni descendencia, sin píxeles para embrutecer la cósmica conciencia del absurdo, en la certeza del final y la anticipación del vacío, creo poder decir que no he elegido la vía de la facilidad. Rendez-vous à la brasserie du café de la paix. Je t'attendrai. Je porte un feutre de couleur neutre et mon par-dessus n'est pas brillant non plus. Je poserai mon journal sur le bar devant moi. Je poserai mon journal. Tu me reconnaîtras si t'es en retard. Passez le quart. Prendrai un demi pour noyer mon ennui. Si t'es en retard jusqu'au soir, je prendrai un sérieux pour le noyer mieux. lirai mon journal sur le bar devant moi. Je plierai mon journal, tu me reconnaîtras. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. On ira où tu voudras. Tu me prendras le bras comme autrefois. On ira voir notre rue, notre chambre sixième. Tout ça n'existe plus, mais on ira quand même. L'annonce dans le journal n'est pas rien, moi. Si tu lis ce journal, tu te reconnaîtras. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. On ira voir la scène et le cœur de Paris. Ma maison de carton au pont Marie. On ira voir ailleurs, on ira faire fortune. La la la la la la la la la la. On ira voir ailleurs parce qu'il est l'heure. Les chaises sont sur les tables, c'est la fin de la fable. Je pose ce qu'il me reste sur le bar devant moi. Trois clous et un bouton de veste, tu ne me reconnaîtrais pas. La nuit étreint le ciel, la nuit étreint le ciel. Allez mon rossignol, la vie est belle. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. El contador de historias transforma la vida en un río de resplandecientes reflejos en el que se anegan la pena y el tedio. Je pars la première. On se rejoint là-bas. Dessous la roche, pendant l'averse, que la route était longue, pour finir dans tes bras. Finir à la renverse, au kilomètre 83. Oh là, le temps m'inquiète, il ne passe plus. Je les cherche. Comment vivre une vie dans des bâtisseurs pressés. Mieux vaut vite s'en aller à la renverse. Il n'y aura personne et tu me berceras. Et là, dessous la verre, no hay que olvidarlo. No hay que olvidar a los viejos de cuerpo podrido, los viejos a dos pasos de una muerte en la que los jóvenes no quieren pensar. Confían a la residencia de ancianos la tarea de llevar a sus padres a la muerte sin alboroto ni preocupaciones. La inexistente alegría de esas últimas horas que tendrán que disfrutar a fondo, pero las pasan en el tedio y la amargura, rumiando los mismos recuerdos una y otra vez. No hay que olvidar que el cuerpo se degrada, que los amigos se mueren, que todos te olvidan, que el final es soledad. No hay que olvidar tampoco que esos viejos fueron jóvenes, que el tiempo de una vida es irrisorio, que un día tienes 20 años y al siguiente ya son 80. Hace tiempo que aprendí que la vida se pasa volando, mirando a los adultos a mi alrededor, tan apresurados siempre, tan agobiados porque se les va a cumplir el plazo, tan ávidos de la hora para no pensar en el mañana. ¿A quoi ça sert que je me réveille? Aujourd'hui, ce sera comme hier. À pas rien faire et brasser de l'air, quitte à me sentir inutile, je reste au lit. À partir d'aujourd'hui, je reste au lit. Ça sert à rien de toute manière, j'ai rien à faire sur cette terre, je reste au lit. Je préfère compter les araignées qui squattent dans un coin du plafond et observer à l'horizon de la couette le coucher de mes doigts de pied. Je reste au lit puisque c'est ainsi. Je reste au lit. Le téléphone peut bien sonner, c'est pas moi qui vais me déplacer. Je reste au lit. Ouais, au lieu d'ouvrir ma boîte aux lettres pour voir que j'ai jamais de courrier, trouver du boulot pour gagner 10 francs de l'heure et des clopinettes. Je reste au lit. Puisque c'est ainsi, je reste au lit. Je gaspillerai un peu moins d'air, je serai écolo à ma manière. Je reste au lit. Zouza zouzi. Les gens qui sont dans ma radio et ceux dans ma télévision m'ennuient, ils me sans moi leur numéro. Je reste au lit. Je préfère ma tapisserie. Zouza zouzi. À quoi ça sert de boire des verres avec trois billets au comptoir, philosopher à moitié noir sur le monde qui est à refaire. Je reste au lit. Je reste au lit. Parce qu'elle s'en fout la misère. C'est pas nous qui apporterons l'eau dans les déserts. C'est pas nous qui stopperons les guerres. Alors tant pis. On peut bien crever sur la terre. À présent, c'est plus mon affaire. Je reste au lit. Hacía tiempo que me había acostumbrado a la perspectiva de una vida solitaria. Ser pobre, fea y, por añadidura, inteligente, condena en nuestras sociedades a trayectorias sombrías y desengañadas a las que más vale resignarse lo antes posible. A la belleza se le perdona todo, incluso la vulgaridad. Souvent, et des mots pour toi si souvent. J'ajouterai quelques paroles pour finir l'histoire autrement. J'ouvre pour que les mots s'envolent et se dispersent dans le vent. Et se dispersent dans le vent. J'ai laissé Si el universo conspira a la vacuidad, las almas perdidas lloran la belleza, la insignificancia nos rodea. Se hace el silencio, fuera se oye soplar el viento, crujen las hojas de otoño y levantan el vuelo. El gato duerme, bañado en una cálida luz. Y en cada sorbo de la taza del té, el tiempo se sublima. Et la nuit s'avance vers mes 32 ans, je crois que je ne suis plus fou. Nu face au miroir, j'inspecte ce corps usé, fatigué, mais debout. Tout va bien. Tout va bien. Suis-je à la moitié, suis-je à la fin? En tout cas, ce n'est plus le début. Cette vie m'a mâché, avalé, dégueulé. J'ai si peur d'avoir tout vu pourtant. Tout va bien. Tout va bien. Bien sûr, je suis seul, mais qui n'est pas seul au milieu de cette grande nuit. Cette nuit qui rampe froide et muette vers la 32e année de ma vie. Tout va bien. Tout va bien. Sécurité, certitude, prévoyance, confort, vous étiez mes pires ennemis. Aujourd'hui je marche au milieu du troupeau, comme les autres fantômes sans folie. Mais tout va bien. Tout va bien. Et l'amour, oh l'amour, notre amour, cet ancien combattant qui a donné ses deux jambes à la guerre, on ne peut plus rien lui prendre maintenant. Alors tout va bien. Tout va bien. Ma mémoire est un scaphandrier qui suffoque tout au fond de la mer. Il pleure sur le trésor qu'il ne remontera jamais. Ma jeunesse est morte hier. Et la nuit s'avance vers mes 32 ans. Je crois que je ne suis plus fou. Nu face au miroir, j'inspecte ce corps usé, fatigué, mais debout. Et tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Los adultos tienen con la muerte una relación rayana en la histeria. El hecho adopta proporciones enormes. Se comportan como si fuera algo importantísimo, cuando en realidad es el acontecimiento más banal del mundo. J'ai beau savoir mieux qu'elle. J'ai beau chercher d'autres à rêver, je ne veux qu'il. Même si nos raisons nous séparent, même si on vit cet amour comme un art, même si parfois on fait semblant d'y croire, autant le vivre même un peu. Et même si on garde nos manteaux, même si le fin arrive un peu trop tôt, j'aurais vécu d'avoir voulu ta peau. On aura aimé pour de bon. J'ai beau me dire qu'il faut partir, los más fuertes entre los hombres no hacen nada, y hablan sin parar. Sans vouloir chair. Tout ce qui devait être et n'a pas été. Tu n'as pas dit un mot, un seul. Vivir, alimentarse, reproducirse, llevar a cabo la tarea para la cual cada uno ha nacido y morir, no tiene ningún sentido, es cierto, pero así son las cosas. Qué arrogancia esta de los hombres que piensan que pueden forzar a la naturaleza, escapar a su destino de insignificancias biológicas. Yo, en cambio, pienso que solo se puede hacer una cosa, dar con la tarea para la cual hemos nacido y llevarla a cabo como mejor podamos, con todas nuestras fuerzas, sin buscarle tres pies al gato y sin creer que nuestra naturaleza animal tiene algo de divino. Solo así tendremos el sentimiento de estar haciendo algo constructivo en el momento en que venga a buscarnos la muerte. La libertad, la decisión, la voluntad, todo eso no son más que quimeras. Creemos que podemos hacer miel sin compartir el destino de las abejas, pero también nosotros no somos sino pobres abejas destinadas a llevar a cabo su tarea para después morir. tout cela sans coucher, je laisserai la lumière lentement défaire depuis la tête jusqu'aux pieds. Así vive su vida un hombre en nuestro universo. Tiene que reconstruir sin cesar su identidad de adulto, ese ensamblaje inestable y efímero, tan frágil que reviste la desesperanza y a cada uno ante el espejo cuenta la mentira que necesitamos creer. Aparte del amor, la amistad y la belleza del arte, no veo gran cosa que pueda alimentar la vida humana. J'ai décidé de me faire du bien, de me faire couler un bain, d'étaler toutes les photos de moi, de les commenter de haut en bas. M'envoyer des fleurs, me parler. j'ai décidé de me regarder, de m'éplucher dans le miroir, de dévoiler tous mes atouts, de m'adorer de bout en bout. Je vais m'envoyer des fleurs, me parler que de moi, des éloges à haute voix, des roses pour me féliciter d'être moi. J'ai décidé de me désirer, de m'inventer des sensations, de crouler sous les émotions, de devenir mon obsession. Je vais m'envoyer des fleurs, me parler que de moi, des éloges à haute voix, des roses pour me Cuando estoy angustiada, me recluyo en el refugio. No hace falta viajar, me basta ir a las esferas de mi memoria literaria. Pues qué distracción hay más noble, qué compañía más distraída, qué contemplación más deliciosa que la de la literatura. Tiens tête me fait souvent l'affront de tourner les talons, de partir à l'aveuglette. Ce soir il se prête au rythme qu'a dansé des villes en fête sous les néons bleutés, aux nuées veloutées dans la chaleur des nuits de pleine lune. Insomnie envoûtante dans la chaleur des nuits de pleine lune. Le regard des chiens qui dorment à moitié, les femmes se font vampe, les hommes se font loup, chacun sa chacune, chacun son rendez-vous. Alors où l'on ose révéler sa face cachée aux beautés indomptées dans la chaleur des nuits de pleine lune. Insomnie envoûtante dans la chaleur des nuits de pleine lune. Entre dans le dédale, dans la danse tribale, s'abandonne et se dévoile. Tant que durent les étoiles, dans la chaleur des nuits de pleine lune. Insomnie envoûtante, dans la chaleur des nuits de pleine lune. Estaba desayunando y miraba el ramo de rosas apoyado sobre la encimera de la cocina. Creo que no pensaba en nada. De hecho, quizá por eso he visto el movimiento. Quizá, si hubiera estado absorta en otra cosa, si la cocina no hubiera estado en silencio, si yo no me hubiera encontrado allí a solas, no habría estado lo bastante atenta. Pero estaba sola, tranquila y vacía. Por eso he podido acoger en mí el movimiento. Ha sonado un ruidito. Bueno, más bien como si el aire se estremeciera e hiciera shhh, muy, muy, muy bajito. Era un capullo de rosa con un trocito de tallo quebrado que caía sobre la encimera. en el momento de tocar la superficie, ha emitido un puff. Un puff en plan ultrasonido, de los que solo oyen los ratones o los hombres si están muy, muy, muy en silencio. Yo me he quedado con la cuchara suspendida en el aire, totalmente embelesada. Era algo magnífico. ¿Pero qué era lo magnífico? Yo no daba crédito. No era más que un capullo de rosa en el extremo de un tallo quebrado que acababa de caer sobre la encimera. Entonces, lo he comprendido al acercarme y al mirar el capullo de rosa inmóvil que había concluido su caída. Es algo que tiene que ver con el tiempo, no con el espacio. Claro, siempre es bonito un capullo de rosa que acaba de caer con un movimiento grácil. Es tan artístico, dan ganas de pintarlo una y otra vez. Pero al mirar caer este capullo y este tallo, he intuido en una milésima de segundo la esencia de la belleza. Porque lo bello es lo que se coge en el momento en que ocurre. Es la configuración efímera de las cosas en el momento en que uno ve al mismo tiempo la belleza y la muerte. ¿Quiere esto decir que así es como uno tiene que vivir su vida? Siempre en equilibrio entre la belleza y la muerte, entre el movimiento y la desaparición. Quizás estar vivo sea esto: perseguir instantes que mueren. Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri, en séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie, pour un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis, pour un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change. Chemin faisant que ce fut tendre, d'ouïr à deux le chant joli, que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie, pour la garder sous mon refuge, 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de parapluie, pour un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis, pour un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change. Bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le sien vit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin de parapluie pour un coin de paradis. Il avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis pour un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change. Pardi. Terminamos con Jan Tirzan, en dúo con Carla Bruni, única intérprete que repite en ambos programas, pero para eso es la primera dama de Francia, la segunda de las emisiones dedicada a la novela La elegancia del erizo, de la escritora gala Muriel Barbery, y con ella dedicadas también a la música francesa más actual, la llamada Nouvelle Chanson, que hoy ha sonado en las voces de Autour de Lucie, Thomas Fersen, Françoise Breu, Pascal Parisot, Myrtille, Cali, Marc Lavoine con Claire Kane, Valérie Leuillot, Bertrand Betz, Camille, Sandrine Kiberlin, Pauline Cross y los citados Jan Tirsan y Carla Bruni. Espero que el programa os haya gustado y hayáis pasado una hora agradable. La semana próxima volveremos con una nueva y ya os anticipo que sorprendente edición de Buscando Leones en las Nubes. Aquí os esperamos, Alberto Marcos, al frente de los artilugios técnicos, y Alberto Sansegundo, como director del programa y responsable de la locución ante el micrófono. No dejéis de visitar nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad unos buenos 7 días. Adiós. I'm not the man who can't see.